je viens entre tes reins et je me retiens. Je t'aime, oh oui, je t'aime. Moi non plus. Oh mon amour, tu es la vague. Mon amour.